Chapitre 9e, Victoire. Cécile n'eut pas plutôt formé ce projet qu'elle se hâta de se rendre à la place de Saint-James. Elle trouva Madame Delville seule. Après les premiers compliments, tandis qu'elle s'occupait des moyens de faire agréer sa proposition, Madame Delville lui en fournit l'occasion en lui disant « Je suis fâchée d'apprendre que nous allons bientôt vous perdre. J'espère pourtant que M. Harel ne fera pas un long séjour à sa campagne. » S'il en était autrement, je serais presque tenté de vous aller enlever. Réellement, votre départ de Londres dans cette circonstance, continua Madame Delville, est tout à fait fâcheux pour moi, surtout dans un temps où vos visites me seraient doublement agréables. Monsieur Delville étant allé passer les fêtes chez le duc de Derwent. Mon fils a de son côté un autre engagement. Il y a si peu de monde actuellement en ville que je me soucie de voir, que je vivrais presque seul. Si j'osais me flatter, s'écria Cécile, que vous daigniez me recevoir, je serais bien empressé d'échanger la partie de Violet Bank pour un pareil avantage. Vous êtes bien bonne et bien aimable, lui répondit Madame Delville. Votre société me procurait certainement les plus grands agréments. Ce n'est cependant pas que je craigne la solitude, au contraire, le monde m'est presque toujours à charge. Je ne trouve que très peu de gens qui aient le talent de réussir dans la société. Vivre seul, cependant, est triste. « Et avec vous, du moins, » dit-elle en prenant la main de Cécile, « aucun obstacle ne s'oppose au penchant qui m'invite à former une amitié qui sera, j'espère, aussi durable que satisfaisante. » Cécile témoigna de la manière la plus expressive combien elle était touchée de l'idée favorable que Madame Delville voulait bien avoir d'elle, et celle-ci, s'apercevant bientôt à son air qu'elle avait peu de goût pour la partie de Violet Bank, la questionna pour savoir s'il lui serait possible de s'en exempter. Elle lui répondit sur le champ très affirmativement. « Et seriez-vous réellement assez complaisante, s'écria Madame Delville, un peu surprise, pour me donner le temps que vous destiniez à cette partie de plaisir ?»« De tout mon cœur, répondit-elle, si vous le souhaitez. » »« Mais pourrez-vous aussi, car vous ne sauriez rester seule dans la maison de la place de Portman, vous arranger pour vivre absolument chez moi jusqu'au retour de Harel ?» Cécile n'hésita pas un instant à accepter cette proposition, qui était précisément telle qu'elle la désirait. Et Madame Delville, charmée de sa condescendance, s'engagea à lui faire préparer sur le champ un appartement. Elle s'empressa ensuite de revenir chez M. Harel pour lui faire part de son nouvel arrangement. Elle attendit pour cela le dîner et profita de ce moment où toute la famille était rassemblée. La surprise que causa cette résolution fut générale. Le chevalier parut ne savoir trop qu'inférer d'un pareil arrangement. M. Arnaud était en partie comblé de plaisir et en partie tourmentée par ses soupçons. Madame Harel n'était qu'étonnée et n'éprouvait aucune autre sensation. Son mari paraissait évidemment le plus affecté. Il fit tous ses efforts pour l'engager à abandonner ce projet et à venir avec eux. Elle se contenta de lui répondre gravement qu'elle avait donné sa parole à Madame Delville d'être chez elle le lendemain matin. Lorsqu'on vit qu'elle était très décidée à les quitter, la surprise fit place à la mauvaise humeur. Le chevalier avait l'air d'un homme qui se croit joué. M. Arnaud était en proie à mille doutes. Madame Harel paraissait toujours la moins affectée, tandis que son mari avait peine à cacher sa colère et son ressentiment. Cécile, de son côté, était au comble de ses vœux. En quittant la maison d'un de ses tuteurs pour aller habiter celle de l'autre, elle savait que personne n'avait le droit de s'y opposer, et l'empressement flatteur avec lequel Madame Delville avait prévenu sa demande, sans s'informer de ses motifs, l'attira d'une situation qui lui devenait extrêmement pénible. L'absence de M. Delville contribua encore à augmenter son bonheur, et elle se réjouit de la perspective de trouver bientôt l'occasion d'expliquer à son fils ce qui avait pu lui paraître mystérieux dans sa conduite avec M. Belfield. S'il lui restait quelque chose à regretter, c'était uniquement l'impossibilité de recevoir les conseils de M. Monckton. Le lendemain matin, Cécile prit congé de Mme Harel, qui témoigna faiblement son chagrin d'être privée de sa compagnie, et se rendit chez Madame Delville, qui la reçut avec beaucoup de cordialité. Elle la conduisit à l'appartement qu'elle lui avait fait préparer, lui montra la bibliothèque, la priant d'en user comme de la sienne, et lui recommandant très obligeamment de ne pas oublier qu'elle se trouvait dans une maison où tout était à ses ordres. Le jeune Delville ne parut qu'à l'heure au dîner. Cécile, se rappelant la singularité de leur dernière entrevue, rougit beaucoup la première fois qu'elle rencontra ses regards. Mais son air naturel, sa conversation qui fut générale, et le soin qu'il eut de ne rien dire qu'il lui pût donner de l'inquiétude firent qu'elle se remit bientôt de son trouble. Les moments qu'elle passa avec Madame Delville lui firent bientôt connaître le bon sens et la pénétration de cette dame. Elle reconnut, il est vrai, qu'on avait peut-être eu raison de la soupçonner d'un peu de vanité. Mais elle s'aperçut en même temps qu'avec un si grand nombre d'excellentes qualités, tant de véritable dignité dans le caractère et une conduite si noble, quels que fussent les égards qu'elle paraissait exiger, ils étaient encore fort au-dessous de ceux qu'on était porté à lui accorder. Son penchant pour le jeune Delville augmenta aussi de plus en plus, et toutes les fois qu'il eut occasion de faire connaître sa façon de penser, elle en conçut une plus haute idée. Elle trouvait dans ses manières et dans ses inclinations un mélange de douceur et de franchise qui, en faisant rechercher sa compagnie, rendait sa conversation intéressante et spirituelle. Ce fut là que Cécile éprouva ce bonheur qu'elle avait si longtemps désiré. Sa vie n'était ni trop dissipée ni trop retirée. La compagnie qu'elle voyait était composée de gens de distinction ou à talent, dont les visites n'étaient ni longues ni fréquentes. La situation qu'elle venait de quitter donnait un nouveau prix à celle où elle se trouvait. Elle n'était plus révoltée par l'extravagance ou l'étourderie, plus tourmentée par des attentions et des poursuites qui lui déplaisaient, ni mortifiée par l'ingratitude de l'ami qu'elle avait tâché d'obliger. Tout était simple et tranquille autour d'elle, quoique animé et intéressant. Elle chercha l'occasion de détruire les conjectures du jeune Delville sur ses apparentes liaisons avec Belfield. Mais Delville, ne lui faisant plus ni question ni plaisanterie, elle ne crut pas devoir chercher à avoir une explication qui pourrait ne pas le persuader. Dans une situation aussi heureuse, il ne lui restait plus que la seule inquiétude de savoir si M. Belfield avait enfin accueilli le chirurgien, mais la peur d'y rencontrer une seconde fois M. Delville et de lui donner de nouveaux soupçons l'empêcha d'aller voir sa sœur. Cependant, sa bienfaisance naturelle, qu'aucune considération personnelle n'était capable de restreindre, lui faisant appréhender qu'il ne fût dans le besoin, elle prit le parti, puisqu'elle n'osait la voir, d'écrire à Mademoiselle Belfield. La lettre fut courte mais polie. Elle la priait avec toute la délicatesse possible de lui donner des nouvelles de son frère et de lui demander si elle consentait enfin à accepter quelque secours de sa part. Elle reçut la réponse suivante. À Miss Beverley. Ah, madame, votre bonté me confond. Nous n'avons besoin de rien encore, mais je crains que ce ne soit pas pour longtemps. Quoique j'espère ne jamais devenir fière et impertinente, j'aime mieux lutter contre l'adversité que de déplaire à mon malheureux frère, surtout dans ce moment-ci. Sa blessure, grâce au ciel, a été pansée par le chirurgien, qui le soigne sans vouloir être payé, quoique mon frère soit prêt à se défaire de tout ce qu'il possède plutôt que de lui avoir cette obligation. J'avoue que je ne conçois pas pourquoi il redoute si fort qu'on lui rende service, puisque tant qu'il a cru être riche lui-même, il a toujours cherché à être utile aux autres. Il me semble que le chirurgien le trouve très mal. Il a l'air triste en le quittant, et ne répond rien aux questions que nous lui faisons, ma mère et moi. Je suis honteuse de vous envoyer ce griffonnage. Je n'ose prier mon frère de m'aider, parce qu'il serait fâché que j'eusse fait mention de lui. Comme je n'ai jamais vu que l'orgueil produisît rien de bon, je n'ai point songé à l'imiter, et n'ayant pas son esprit, il est inutile que j'aie ses défauts. Ainsi, quoique ma lettre soit mal écrite, vous, mademoiselle, qui avez tant de bonté et d'indulgence, vous me pardonnerez, fût-elle encore plus mal. Et quoique nous ne soyons pas dans le cas de profiter de vos offres gracieuses, c'est une grande consolation pour moi de penser qu'il y a une personne dans le monde qui, si nous nous trouvions destitués de tout, et si le cœur trop fier de mon pauvre frère venait à s'humaniser, regarderait notre misère en pitié et empêcherait que nous n'en fussions accablés. Je suis, mademoiselle, avec le plus profond respect, votre très obligée et très humble servante, Henriette Belfield. Cécile, émue et attendrie de la naïveté et de la simplicité du style de cette lettre, résolut dès qu'elle retournerait chez M. Harel de rendre visite à cette charmante et honnête fille. Rassurée sur sa situation actuelle et espérant beaucoup des soins du chirurgien qui voyait son frère, elle se livra tout entière au bonheur pur et sans mélange que lui offrait la société dont elle jouissait. En général, ceux dont la félicité n'est point interrompue s'aperçoivent à peine de sa durée. Il n'en est pas de même quand elle leur échappe. Le chagrin leur en montre alors tout le prix, et le malheur leur fait sentir tout ce qu'ils perdent. Comblée sans cesse des attentions de ses nouveaux hôtes, elle voyait le temps s'enfuir avec trop de rapidité. Elle trouvait dans les talents de Madame Delville des sources intarissables de satisfaction, et dans les sentiments et les dispositions de son fils, quelque chose de si conforme au sien qu'il proférait à peine un seul mot qui ne prouva leur sympathie. Tout dans leur regard semblait annoncer une parfaite intelligence. Franche, enjouée et libre de toute inquiétude, elle ne se levait que pour être heureuse, et ne se couchait que pour jouir d'un doux sommeil. Les contradictions qu'elle avait essuyées auparavant servaient non seulement à augmenter le prix des jouissances actuelles, elle rappelait encore à sa mémoire les événements de ses premières années. Il convenait que sa situation présente répondait mieux à ses goûts et à son caractère qu'aucune de celles dans lesquelles elle se fut encore trouvée. Son bonheur présent s'évanouit à l'arrivée de M. Harel. En vain se flatta-t-elle de l'espoir que Mme Delville lui proposa de prolonger son séjour dans sa maison. En apprenant son retour, cette dame témoigna à sa jeune amie le regret qu'elle sentait de la perdre, mais sans ajouter un mot pour prévenir cette séparation. Cécile, déconcertée, se détermina à retourner le jour suivant à la place de Portman. Le reste du jour fut bien différent de ce qui l'avait précédé. Il s'écoula tristement. Madame Delville parut très affectée. Son fils ne fit point mystère de son chagrin. Et quoiqu'ils fussent tous mécontents, aucun ne fit le moindre effort pour retarder cette séparation. Le lendemain, pendant le déjeuner, Madame Delville remercia affectueusement Miss Beverley du temps qu'elle lui avait donné, la priant d'adoucir par de fréquentes visites la privation qu'elle allait éprouver. Le jeune Delville appuya fortement cette prière, et montra avec chaleur combien il était charmé que sa mère eût acquis une amie aussi aimable. Sans affectation, il joignit ses vœux aux siens pour que leur liaison devînt tous les jours plus intime. Tant de bienveillance et d'affection calma un peu le regret que Cécile sentait de les quitter. Lorsque le carrosse de Madame Harel fut arrivé, Madame Delville prit congé d'elle avec l'attendrissement le plus marqué, et son fils lui donna la main pour l'y conduire. « Je désirais fort, lui dit-il alors d'un air confus, avant le départ de Miss Beverley, m'excuser de l'erreur grossière que j'ai commise. Je ne sais s'il lui sera possible de me pardonner, et j'ai peine à concevoir par quelle fatalité ou quel aveuglement j'ai pu y persister si longtemps. « Oh !» s'écria Cécile très satisfaite de cette explication volontaire. « Si vous êtes véritablement convaincu de votre erreur, c'est tout ce que je peux désirer. J'avoue que les apparences étaient si fortes contre moi que j'ai peut-être eu tort de m'étonner que vous ayez ajouté foi. » Mon propre penchant pour M. Belfield plaidera, j'espère, en ma faveur. C'est d'après lui, et non d'après aucun préjugé contre le chevalier Floyer, que mon erreur a pris naissance. Au contraire, je respecte à tel point votre goût et votre discernement que votre décision, une fois connue, j'aurai peine à ne pas y joindre mon approbation. Tourmenté par ses continuelles méprises et piqué de voir que, quoi qu'on variât si souvent sur l'objet de ses prétendues inclinations, l'idée d'un engagement positif avec l'un des deux était toujours la même, elle résolut, le plus tôt qu'il lui serait possible, de charger M. Monckton de voir le chevalier Floyer et de lui déclarer formellement de sa part qu'elle refusait ses propositions. Elle renonça à la résolution qu'elle avait prise de lui en parler elle-même pour éviter tout rapport avec le baronnet et toute discussion avec M. Harel. Mme Harel la reçut aussi froidement qu'elle s'en était séparée. Cette dame paraissait alors avoir de l'inquiétude. Cécile tâcha d'en deviner la cause. Mais loin de chercher du soulagement dans le sein de l'amitié, elle s'attacha à l'éviter, comme si elle eût redouté sa conversation et que sa vue eût été un reproche. M. Harel, au contraire, lui fit beaucoup plus de politesse qu'à son ordinaire, se montra empressé à aller au-devant de ce qui lui faisait plaisir et lui rendre sa maison plus agréable que jamais. Le chevalier Floyer parut vouloir être plus respectueux. Ils ne réussirent ni l'un ni l'autre à lui faire changer d'opinion sur leur compte. Le plaisir que M. Arnott eut de la revoir fut sincère, et il s'aperçut que Cécile, qui ne cherchait pas plus à éviter M. Harel et le chevalier, que Mme Harel ne cherchait à l'éviter elle-même, ne s'entretenait volontiers qu'avec lui et se donnait à peine le soin de cacher qu'il était le seul de toute la famille pour lequel elle eut quelque considération. Fin du troisième livre de Cécilia, Mémoire d'une héritière, de Fanny Burney. Fin du premier livre de Cécilia, Mémoire d'une héritière, par Fanny Burney. Fin du deuxième livre de Cécilia, Mémoire d'une héritière, par Fanny Burney.